disais que j'étais celle qui partagerait ta vie. Tu disais que j'étais belle, le suis-je encore aujourd'hui? J'ai tellement souhaité faire ma vie à tes côtés, je n'ai pas cessé de prier. Tu disais que je serais celle qui porterait tes enfants. Tu disais que je serais belle, même avec le poids du temps. J'ai tout accepté par amour et tu le sais, je n'ai pas cessé de prier. Mais rien n'est à regretter, je continue de prier.